fait mal. Là c'est fatal, touché coulément enterré. Mais d'un seul coup c'est brutal. Avec dans la bouche un goût amer comme un goût de sale. L'impression d'être couvert d'une couche de crasse indétachable. Ta connerie macabre. Je pensais avoir affaire à un ami, un vrai, un dur, un frère, pas une petite pute aigrie. Et bien je me suis endorbité, c'était que des conneries. En fait j'aurais dû m'effet trop calculer, j'en ai pas envie. Mais bon, ce que je trouve fatal, c'est que j'ai toujours pas compris d'où vient ce délire foireux, ce petit coup de jalousie qui transforme en maîtresse merdeux à poser des bombes mal garnies. Ton plan était foireux, tu t'es trop vite fait l'aigrir. Pourtant je te jure mon vieux, que ton nom était écrit dans le plan de carrière que nous ferons qu'à deux. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Mais bon, merci, merci, merci de m'avoir ouvert les yeux. Moi qui pensais en avoir fini de tous ces plans foireux. Les putes nous océanes et toi tu remarches avec eux. Alors trace ta route, la tienne ne mènera pas aux cieux. Pour le plus gros dharma que j'ai croisé ici bas. Toi le faux frère que souhaitais donc que l'enfer se sente. Tu as l'inspiration générée par ta gueule de con. La plus grosse lap que j'ai croisée, ce son est pour toi dédicacé. Là ça fait mal, là c'est fatal. Touché mais pas crevé, tout d'un coup je deviens brutal. Afin de gerber ma haine dans ta gueule de crotale. De terminer à la manière tu verbal. Je jure que je l'ai très bien le derrière. Mais ça va faire trop mal. Et vu que tu es du genre chasseux, style matière fécale, ce serait trop luxueux pour une lopette de taille. T'es le genre à déposer plainte pour gagner 2-3 balles. Je veux pas améliorer ta petite vie trop banale. Je vais te la jouer à la cool, la zig, c'est sauf le texte spatial. Une chanson à l'attention d'une petite pute vénale. Je vais pas épeler ton nom, tu t'es reconnu un trou de balle. Ça me servira de leçon, un truc inoubliable qui me fera faire attention aux prochains qui se présenteront. J'en viens à toi, mon conga, fourre-toi de bâton. Car c'est pour bientôt que tu vas te faire travailler le fond. En plus de manière imparable, ton dossier est intransportable. Tu vas manger, genre pas du tout digérable. Moi je suis presque soigné, par contre toi t'es pas prêt d'y arriver. Le mal est tenté, c'est l'intérieur qui est attaqué. Et un tel degré, c'est la merde qu'a gagné. Dire qu'avec une telle odeur, j'y mets autant de temps à te cramer. Pour tous les tarbins que j'ai croisés ici bas. À tous ces faux frères que souhaitaient d'autres que l'enfer. Ce sont dus à l'inspiration générée par vos gueules de con. Pour toutes les lobes que j'ai croisées, ce son vous est dédicacé. Ça a failli faire mal, ça aurait pu être fatal. Mais dommage, tu t'es bité ma petite salope infernale. Donc va bouffer ta mère en solo, c'est normal. T'as épuisé tous tes refaits, ce qui t'aimait original. Maintenant faut payer, et c'est là que je me régale. La note va être salée, un putain truc infernal. Je pense à ton existence sans aucun sens amical. J'en oublie toutes mes souffrances, car pour toi c'est la totale. Quand ton karma te choque, bleu tarot c'est pas de mal. Alors allez, mange toi et ta meuf de cul sale. Style dégénéré, allumé cérébral. Je le dis gentiment à la manière Pascal, reviens pas dans mon temps, même si pour moi ça va mal. Car je prendrai tout mon temps, mais la chute sera fatale. J'attendrai patiemment ce fameux moment où c'est la vie simplement qui viendra te péter les dents. Mais bon, merci, merci, merci de m'avoir ouvert les yeux. Moi qui pense en avoir fini de tous ces plans foireux. Hey Mr. X.